Au moment où presque tous les jours on parle de cette deuxième guerre du Golfe qui ne semble pas en finir, il n'est pas inutile de revenir sur un événement qui a joué un rôle fondamental dans la région et le monde entier. Je veux parler de la révolution iranienne. Il y a presque un quart de siècle déjà. Rappelez-vous, en 1978, tandis que l'Iran est miné par les grèves, les manifestations et des émeutes quasi quotidiennes, le Shah perd peu à peu la main. Au début du mois de janvier, alors que sous la pression populaire, il vient de nommer un nouveau Premier ministre, il quitte son pays. Officiellement, il part en vacances. Mais chacun sait qu'il ne reviendra jamais en Iran. D'ailleurs, affaibli par un cancer, il doit d'abord aller se soigner. Quelques jours plus tard, l'ayatollah Khomeini, qui a orchestré la révolution depuis son repère français de Naufle-le-Château, s'envole vers l'Iran, où il est accueilli avec ferveur. C'est la fin d'une monarchie qui avait 2500 ans. Peu après, la révolution va se durcir et c'est un régime islamiste pur et dur qui s'installe en Iran sous la férule impitoyable de Khomeini. Alors, cette semaine, M. X propose de revenir sur cet événement fondateur parce qu'il pose des questions encore très actuelles aujourd'hui sur le rôle de la CIA, par exemple. Certains ont prétendu que l'agence américaine avait été incapable de prévoir la chute du Shah, comme plus tard, elle a été prise au dépourvu par l'attaque contre les Twin Towers. Mais d'autres, au contraire, affirment que les Américains se trouvaient derrière la chute du Shah et qu'ils avaient tout fait pour le chasser avec, paraît-il, la complicité de la France. Alors, qu'en est-il vraiment? Le sujet demeure brûlant et complexe. Monsieur X se propose d'en démêler le fil. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais nous avons déjà parlé de l'Iran. Ah oui, à propos de la chute du premier ministre Mossadegh, qui avait nationalisé l'industrie pétrolière iranienne. Ça plaisait fort aux anglo-saxons qui, avec l'aide de la CIA, du Shah et des milieux les plus conservateurs, ont réussi à chasser Mossadegh. Tout ça pour vous dire qu'en Iran, les Américains étaient comme chez eux. Il n'y avait pas que la question du pétrole. Il suffit alors de prendre une carte. L'Iran possède presque 2000 km de frontière avec l'ex-Union soviétique. Ouais, donc il était particulièrement important pour Washington d'avoir un pied en Iran. Même deux, si je puis dire. Ça permettait aux Américains de surveiller l'URSS. Et même éventuellement d'infiltrer des agents dans les républiques musulmanes. C'était bien pratique. Mais c'était pas tout. Les États-Unis, grâce à l'Iran, entendaient contenir l'influence soviétique et surtout régner sur tout le golfe Persique. À cause du pétrole. Bien sûr. Toujours. Les Américains dépendaient étroitement des pays de la région pour leur approvisionnement en pétrole. C'est pourquoi ils vont faire de leur protégé, le Shah d'Iran, le gendarme du golfe. Un rôle qui plaira beaucoup aux monarques qui rêvaient d'exercer une sorte de suprématie sur les pays de la région. Enfin, n'allons pas trop vite. Ah, il y a longtemps. Hein. Pardonnez-moi, c'est un tic. Mais c'est bien ce que je pensais, oui. Mais depuis le temps, vous y êtes habitué. Oui, bon d'accord, allez, poursuivez. Bah, il faut aussi observer que malgré ses rapports très étroits avec les Américains, l'Iran est officiellement un pays non aligné. C'est une fiction. Bien entendu. Mais le Shah, qui prétend être le De Gaulle du Moyen-Orient, ne se prive pas, quand ça l'arrange, de critiquer l'Occident et la corruption de ses mœurs. Ah ben, ça nous amène tout naturellement à parler de la question religieuse. Oui, un peu à l'instar de la Turquie. L'Iran a avancé à grands pas vers la laïcisation. Avant la Deuxième Guerre mondiale, le père de Reza Pahlavi a lancé le pays dans la voie du modernisme en luttant à la fois contre le clergé chiite et les chefs de tribu. C'est ainsi qu'il a, par exemple, interdit le port du voile pour les femmes. Eh ben, on en reparle. Et son fils va poursuivre dans le même sens ? Exactement. Au début des années 60, sermonné par le président Kennedy, qui estime que le pouvoir iranien doit être réformé et devenir moins autoritaire, le Shah va se décider à lancer un grand programme de modernisation et de libéralisation. Mais quand vous dites autoritaire... Le Shah s'appuyait, comme vous le savez, sur une police politique impitoyable. Oui, il a un savate. C'est ça. Ouais. Entraîné par des spécialistes américains et israéliens. La SAVAK était réputée pour sa brutalité. En outre, le régime exerçait une censure rigoureuse. Mmh. Alors, Kennedy met le Shah, si je puis dire, au pied du mur. Oui, et le Shah doit à la fois démocratiser et réformer. Mais disons-le tout de suite, ses efforts en matière de libéralisation seront très timides. Par contre, c'est vrai, il va moderniser. C'est ce que l'on va appeler la Révolution Blanche. Révolution Blanche, et qui consiste en quoi ? Le Shah va lancer des programmes de développement économique, d'alphabétisation, de réforme agraire et d'émancipation de la condition féminine, en octroyant par exemple le droit de vote aux femmes, ou encore en leur permettant de divorcer. Mais ce faisant, en imposant par le haut ces réformes et sans se soucier d'y associer le peuple, le Shah est obligé de casser les structures traditionnelles de son pays. Et puis j'imagine qu'il se met à dos le clergé, là. Naturellement, et pour deux raisons au moins. Ces nouveaux droits des femmes révulsent les dignitaires chiites et la réforme agraire les indigne. Le clergé est en effet propriétaire de très grands domaines. Les oulémas crient donc à la spoliation. Pour eux, la propriété privée est un droit absolu, presque sacré. Comment se traduit cette opposition des religieux, hein ? La réaction noire, comme l'appelle lui-même le Shah, commence dans les écoles de théologie. Et bientôt, le clergé organise des manifestations. La loi martiale est proclamée et l'armée va réprimer ces troubles sans pitié. Il y a des morts, beaucoup de morts. Et c'est à cette occasion qu'émerge un certain Ruhollah Khomeini. C'est déjà un religieux connu ? Non. Non, mais dans les milieux chiites, le prestige de ce professeur de théologie grandit peu à peu. Il faut tout de suite observer que Khomeini n'a pas que des raisons religieuses pour s'opposer aux réformes du Shah. Ses propriétés personnelles risquent de faire les frais de la réforme agraire. Enfin, quoi qu'il en soit, l'ayatollah apparaît bien comme un des leaders de la contestation. Et en 1963, à l'occasion de la commémoration du martyr de l'imam Hussein, il prononce un sermon d'une rare violence. Contre le Shah ? Il dénonce pêle-mêle le droit de vote des femmes, le régime impérial, la corruption et les liens de l'Iran avec Israël. Bon, des liens avec Israël ? Israël, auquel les pays arabes refusent de vendre du pétrole, est approvisionné par l'Iran. En retour, l'État hébreu lui livre des armes. Est-ce que ce sermon incendiaire produit des effets ? Au moins. Khomeini est prestement arrêté et emprisonné, ce qui ne contribue pas à calmer la situation. Mais l'armée intervient à nouveau très brutalement. Toutefois, le régime va jouer avec habileté. L'ayatollah est rapidement libéré. Attendez, pourquoi il s'habille ça ? Parce que cette libération laisse entendre qu'il y a eu une sorte de négociation entre Khomeini et le pouvoir. Ah, et afin de compromettre l'ayatollah aux yeux de ses partisans. Hein. Bien évidemment. Et ça marche, ça ? En tout cas, c'est l'apaisement. Et pendant quelques temps, Khomeini se tient tranquille. Mais un an plus tard, il dénonce publiquement une loi qui accorde au personnel militaire américain en Iran des privilèges d'extraterritorialité. Ouais, une loi qui touche donc un peu, en tout cas, à l'indépendance du pays. Oui, et cette fois, le Shah se fâche très fort. L'ayatollah est expulsé. Il part d'abord en Turquie, puis il trouve refuge à Najaf, en Irak, une des villes saintes du chiisme. Où il va continuer le combat politique. Bien entendu, et dès cette époque... Attends, dans les années 60, donc. Oui, donc, dès ces années, il théorise sa doctrine dans un livre qui sera peu lu, mais où l'on trouve déjà tous les principes qui fonderont la future République islamique. Si j'insiste sur ce point précis, c'est que les gens qui soutiendront plus tard la révolution, et parmi eux se trouvent beaucoup d'esprits éclairés en Iran, mais aussi en Occident, auraient pu savoir où Khomeini voulait en venir. L'ayatollah a eu au moins le mérite de ne pas avoir caché son jeu. Ces grands principes-là. Le premier et le plus important, c'est que la démocratie et le suffrage universel ne sont pas compatibles avec l'enseignement du Coran. Le pouvoir ne peut procéder que des oulémas qui sont les héritiers du prophète. Le reste est à l'avenant, c'est la loi religieuse, la charia, qui doit gouverner la République et les citoyens. D'accord. Donc les gens qui vont porter Khomeini au pouvoir, ou tout au moins l'aider, auraient dû se méfier, c'est bien ce que vous voulez dire. Parfaitement. Le Shah, dans ses années 60, a donc gagné contre le clergé. Ça ne veut pas dire pour autant que le pays est complètement apaisé. Au début des années 70, plusieurs attentats frapperont l'Iran. Des attentats perpétrés par qui ? Des organisations révolutionnaires d'inspiration marxiste, islamiste ou gauchiste, ou les trois à la fois. Mais la Savak veille. Et encore une fois, il interviendra avec sa brutalité coutumière. Et Khomeini, là, y a-t-il pour quelque chose ? Non. Je crois même qu'il désapprouve ces actes sanglants. Pendant toutes ces années, l'ayatollah Khomeini aura assez peu d'influence sur l'opinion iranienne. Il faut dire que le pays va se transformer très rapidement. L'année clé, c'est 1973. C'est l'année de la guerre du Kippour et du premier choc pétrolier. Oui. Vous savez alors ce qui se passe. Les pays arabes, pour punir les États-Unis d'avoir opéré de gigantesques livraisons d'armement à Israël, appliquent un embargo sur le pétrole. Mais le pétrole destiné aux Américains. Certes, mais d'autres pays consommateurs sont touchés par des limitations d'approvisionnement. Ouais. Et la position de l'Iran, alors ? Le Shah s'est rangé sans difficulté du côté occidental. Il n'a pas observé l'embargo, lui. Non, il a même ravitaillé les navires de guerre américains. Toutefois, Deux mois plus tard, il réunit les représentants de l'OPEP. C'est-à-dire les principaux pays producteurs de pétrole. C'est ça. Donc il les réunit et suggère de fixer une considérable augmentation du prix du pétrole. Un quadruplement, si je me souviens bien. Oui, un coup dur pour les pays consommateurs. C'est pourquoi on a parlé de choc pétrolier. Mais pour les pays producteurs, et en particulier l'Iran, c'est un véritable pactole qui va désormais couler dans les pipelines. Et le Shah va en profiter pour faire de son pays la première puissance de la région. Mais cette griserie aura à terme de funestes conséquences. Griserie, a dit Monsieur X, et c'est bien le mot. Et ça a commencé avant même le choc pétrolier de 1973. Deux ans plus tôt, les rêves de grandeur du Shah se sont traduits par l'organisation des fêtes de Persépolis. Et voici ce qu'on peut lire dans le livre de Yann Richard, Jean-Pierre Digard et Bernard Ourcade, L'Iran au XXe siècle, édité chez Fayard. Avant même le boom pétrolier de 1974, Mohamed Reza Pahlavi avait conçu un projet grandiose qui préparait le lancement de la grande civilisation en reliant les racines de son pouvoir et de sa légitimité à l'empire perse des Achéménides. Des fêtes grandioses furent organisées à Persépolis en octobre 1971 sous le prétexte de la célébration du 2500e anniversaire de la fondation de l'empire par Darius. Pendant des mois, des équipes de costumiers, d'archéologues, d'architectes, d'acteurs professionnels mirent au point une immense parade. Des cérémonies d'un luxe éclatant se déroulèrent devant un grand rassemblement de têtes couronnées, de présidents et de chefs d'État du monde entier, dont le vice-président américain Spiro Agnew. Le spectacle était diffusé à la télévision et dans les magazines du monde entier. Ces fêtes de Persépolis frappèrent l'imagination de l'étranger, mais laissèrent les Iraniens, éloignés des réjouissances, indifférents et scandalisés. L'étalage d'une telle opulence dans un pays dont une grande partie de la population restait à l'écart du développement confinait à l'indécence sans renforcer l'identité nationale de l'Iran. Les fêtes de Persépolis inauguraient les années d'apogée du régime impérial et du pouvoir personnel du roi des rois, soleil des Aryens. Les débordements d'or et de diamants faisaient de lui une figure quasiment mythique dans l'opinion internationale, une image d'Épinal admirée sinon par les Iraniens, du moins par la presse internationale et par les chefs d'État. Après 1973, l'Iran connaît alors un taux de croissance extravagant, jusqu'à 25% par an. Et grâce à la rente pétrolière. Bien sûr. Ce sont des dizaines de milliards de dollars qui rentrent dans les caisses iraniennes. Et alors, que fait-on de ces sommes énormes? Le Shah a des projets faramineux. Il veut bien sûr développer les infrastructures industrielles et éducatives, mais il désire aussi posséder des centrales nucléaires. Il imagine un parc de 20 unités. C'est énorme, ça. Il dissimule à peine qu'un jour, ses savants seront en mesure de construire une bombe atomique. C'est pourquoi il signe, avec les États-Unis, mais aussi la France, des contrats mirifiques. Il va jusqu'à s'engager dans le fameux projet Eurodif qui a pour objet la production d'uranium enrichi. Une matière fissile nécessaire pour fabriquer la bombe. En effet. Et pour cela, je veux dire, pour le projet Eurodif, donc, qui nous procurera ensuite tant d'ennuis avec Roménie, il n'hésite pas à octroyer un prêt d'un milliard de dollars à la France. Parallèlement, il dépense des fortunes, près de 30% du budget iranien, pour équiper son armée avec le matériel le plus moderne. Où l'achète-t-il ? Presque exclusivement aux États-Unis. Et ça a une conséquence immédiate. L'armée iranienne devient complètement dépendante des Américains. Car il n'y a pas que les matériels, il faut aussi des instructeurs et des techniciens chargés d'assurer la maintenance de ces armements sophistiqués. Ça signifie qu'il y aura de plus en plus de personnel américain, civil ou militaire en Iran. Je crois qu'au moment de la révolution iranienne, ils seront quelque 50 000. Là encore, c'est gigantesque. Et puis j'imagine que ça ne doit pas plaire à tout le monde. C'est évident. Les religieux chiites, en particulier, désapprouvent l'omniprésence américaine en Iran, comme ils désapprouvent les relations cordiales que l'Iran entretient avec Israël. Et à cette époque-là, là, avec le voisin irakien ? Les relations sont tendues. Il y a d'abord la question kurde. Enfin, je n'y reviens pas, car nous en avons parlé il n'y a pas si longtemps. Disons simplement que chacun se servait de ses Kurdes pour embarrasser l'autre. Et sans soucier le moins du monde de l'avenir du peuple kurde. Évidemment, l'autre sujet d'affrontement, c'était des différends au sujet des frontières et l'ambition grandissante du Shah, qui entendait régenter la région et faire de l'Iran la principale puissance militaire. Mais ces différends, parfois armés, prirent fin en 1975 par la signature à Alger d'un accord entre le Shah et Saddam Hussein. Toutefois, la tension demeurait entre les deux pays, d'autant que l'Irak était essentiellement armé par l'URSS et l'Iran par les États-Unis. Et en Irak, la France n'était pas non plus mal placée, hein ? Oui, c'est exact. Et lors de la visite de Saddam Hussein en France, le gouvernement français s'était engagé à construire 2 centrales nucléaires en Irak. 2 centrales qui seront détruites par les Israéliens. Oui, oui. Quand le régime du Shah commence-t-il à donner des signes de faiblesse là? Alors, ça commence à craquer en 1975. Pour quelle raison? C'est une conjonction de plusieurs facteurs. Il y a d'abord l'homme. En 1974, je crois, Reza Pahlavi apprend qu'il est atteint d'une forme rare de leucémie. Il dissimule sa maladie, même à ses proches, mais il est certain que le Shah est humainement atteint car il sait qu'il est condamné. Ensuite, pour la première fois depuis le boom pétrolier, l'Iran connaît des difficultés économiques. Pour quelle raison exactement? C'est la surchauffe. Le moteur économique s'emballe tandis que les revenus pétroliers diminuent. L'inflation n'est plus contrôlable. Les capitaux fuient à l'étranger, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Ouais. C'est la fracture sociale en fait. Ouais. Et la conséquence la plus visible, c'est la création d'un sous-prolétariat composé de paysans ruinés qui viennent s'installer aux portes de la ville. Mmh. C'est dans ce terreau de mécontents que les révolutionnaires trouveront une clientèle presque naturelle. En même temps, le gouvernement se durcit et la savate omniprésente traque tous les opposants. Les exactions commises par cette police secrète compteront beaucoup dans la détérioration de l'image du Shah. Ça, c'est certain, oui. Les arrestations arbitraires, les tortures, etc. Et ça explique pourquoi beaucoup de gens applaudiront la chute du Shah sans imaginer que les sbires de Khomeini feront encore pire. Il faut ajouter, pour expliquer la fragilisation du pouvoir impérial, une provocation dont Reza Pahlavi aurait peut-être pu se passer. Expliquez-la. En cette même année, 1975, il décide d'un seul coup un changement de calendrier. Désormais, on compte le temps à partir de la fondation de l'Empire perse par Cyrus le Grand. Et non plus à partir de l'égire de Mahomet. C'est-à-dire la date de son émigration de Médine à la Mecque. Et vous imaginez bien, le clergé hurle au loup. D'autant que le Shah envisage aussi de faire du dimanche le jour de repos hebdomadaire. Et au lieu du vendredi, comme dans tous les pays musulmans. Ouais. Ouais. Mais comment expliquer ces maladresses? La maladie, l'ivresse du pouvoir, la mégalomanie. La vérité, c'est que le Shah est déconnecté de la réalité et de son peuple. Parce que à chaque fois qu'il provoque les religieux en espérant les ridiculiser, c'est exactement le contraire qui se passe. Alors, est-il mal informé? Je le pense. Et son entourage porte une responsabilité certaine. Je ne sais plus qui a dit, comparant le style du gouvernement du Shah et de son père Reza, au père, on n'osait pas mentir. Au fils, on n'ose pas dire la vérité. Ah oui. Donc le Shah ne sait pas ou ne sent pas que la situation se dégrade progressivement. Oui, c'est évident, car les sujets de mécontentement s'accumulent. Résumons, si vous le voulez bien. Il y a les paysans désemparés par la réforme agraire et la modernisation et qui ont été souvent obligés de s'exiler en ville. Ils sont nostalgiques de la société communautaire dans laquelle ils ont toujours vécu. Et disiez-vous tout à l'heure, ces réformes ont été imposées par le haut. Oui, oui. Il y a aussi la jeunesse déshéritée et désœuvrée des quartiers pauvres qui supportent de plus en plus mal la corruption et les écarts sociaux qui se sont creusés. Mais même la jeunesse urbaine et cultivée ne veut plus être laissée de côté. Elle dénonce l'oppression, le manque de liberté et aspire à être associée au pouvoir. Oui, et puis elle clergé. Naturellement. Un clergé qui gronde de plus en plus et qui est écouté par tous ces mécontents pour qui l'islam représente un espoir et un recours. Tout cela est explosif. Mais le véritable détonateur, ça va être l'élection de Jimmy Carter à la présidence des États-Unis. Ah oui, je vois. Carter, champion des droits de l'homme. Ouais. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, le président américain envoie un signal très fort au Shah. S'il veut continuer à bénéficier de l'aide américaine, il doit démocratiser son régime et en finir une fois pour toutes avec les détestables pratiques de la SAVAK. Et on peut tout de suite se poser la question, en lançant cet avertissement, Carter a-t-il réellement cru qu'il serait entendu? Ou bien a-t-il déjà entamé le processus de la chute du Shah? Bref, a-t-il joué aux apprentis sorciers? Alexandre de Marange, qui a longtemps été le chef de nos services secrets, a beaucoup fréquenté le Shah pour lequel il avait de l'amitié. Voici ce qu'il en dit dans ses entretiens avec Christine Okrent. Le pouvoir est effrayant parce qu'il est autodestructeur. Dans le cas du Shah, c'était pathologique. Ce n'était pas un dictateur, mais un autocrate. Le dictateur d'un pays est un monsieur qui, lorsque le premier membre du clergé local monte dans un minaret pour commencer à faire un discours contre le grand chef, s'arrangera pour que ce soit la dernière harangue qu'il prononcera et sa carrière s'arrêtera là. Un autocrate est un monsieur qui, si le premier membre du clergé local grimpe dans le minaret pour se répandre en discours enflammé contre le grand chef, ne fera rien. Il pourra recommencer impunément par l'intermédiaire du muezzin la voix des mollahs porteuses de subversions se répandent tandis que ces échos s'amplifient dans les villes et les campagnes les plus reculées. Quant à Khomeini, que Maranche n'aimait guère, voici ce qu'il en dit. L'ayatollah avait un caractère affreux. C'est un tyran moyenâgeux. Un jour, en Irak, un enfant de sa famille s'était battu avec un enfant du voisinage. Il voulut que l'on mît à mort celui-ci qui avait osé lever la main sur son rejeton. Les Irakiens, bien évidemment, ne lui donnèrent pas satisfaction. Il avait une vengeance personnelle à assouvir contre le Shah, qu'il l'avait pourtant épargné en l'exilant en 1963. Le général Pakravan, ancien ambassadeur d'Iran à Paris, qui avait été le mentor militaire du jeune Shah, avait sauvé la vie de Khomeini, exilé à l'époque, au lieu de lui faire rejoindre ses honorables ancêtres, comme certains le proposaient. Des années plus tard, quand le général Pakravan est rentré en Iran, un des premiers actes de Khomeini fut de le faire arrêter et fusiller. Pourquoi ? Pour qu'il ne raconte pas que l'ayatollah lui devait la vie. Le livre de Maranche est intitulé « Dans le secret des princes » et il a été publié chez Stock. Et vous semblez donc dire que Carter aurait pu contribuer à la chute du Shah. Oui, il n'y avait peut-être pas seulement l'affaire des droits de l'homme. Enfin, j'y reviendrai, je vous le promets. D'accord, alors, comment réagit le Shah là, après la semence de Carter? Il va mettre de l'eau dans son vin, si je puis m'exprimer ainsi. Il libéralise. Un peu, oui. Car il lui est difficile de se fâcher avec le président américain, au moins dans ce domaine. Parce qu'il y aura donc d'autres sujets de conflit. Ah ben, ne soyez pas trop impatient. Je vous ai dit que je vous expliquerai. D'accord. Non, ce qui est important, c'est que les propos de Carter ont été non seulement entendus par le Shah, mais aussi par tous ceux en Iran qui réclament plus de démocratie. Et ils vont en profiter. Sous quelle forme? Enfin, ça commence par une lettre ouverte adressée au monarque. L'auteur est un écrivain très connu. Il adresse, très respectueusement, des reproches au Shah et demande plus de liberté. Quelques mois plus tôt, ça lui aurait valu une arrestation immédiate. Mais là, rien, c'est ça? Oui, pour les Iraniens, essentiellement les intellectuels, c'est un véritable choc. Ouais, on peut enfin s'exprimer. Et c'est ce qu'on va appeler le printemps de Téhéran. Ça va durer? Pas très longtemps, non. Car maintenant que certaines barrières ont cédé, d'autres vont s'engouffrer dans la brèche. Qui? Les religieux, bien sûr. Ils ne tardent pas à élever la voix, eux aussi. Et ça, le pouvoir n'est pas décidé à le tolérer. Des membres éminents du clergé sont arrêtés, emprisonnés. Les autorités iraniennes vont même plus loin. Au début de l'année 78, elles suscitent la publication dans un journal gouvernemental d'un article injurieux sur Khomeini. Khomeini qui se trouve toujours en Irak. Oui, immédiatement, les milliers d'élèves des écoles théologiques de Qom descendent dans la rue. Et c'est le commencement d'un terrible enchaînement. À cause de la répression. Bien entendu. Plus l'armée réprime et tue, et plus la contestation enfle. C'est classique. Et les religieux, car ce sont eux qui mènent déjà la danse, vont profiter de la tradition chiite. Ça veut dire quoi, ça? Le deuil chiite veut que l'on rende hommage aux martyrs 40 jours après leur mort. À chaque fois, c'est une nouvelle occasion de manifester et donc d'affronter l'armée au cours de véritables émeutes. Et l'armée tire. Et fabrique de nouveaux martyrs. 40 jours après, ça recommence, un cycle infernal. Il faut aussi ajouter que les manifestants inspirés par le clergé ne s'en prennent pas seulement aux représentants de l'autorité. Ils saccagent aussi tous les symboles de l'Occident. Les boutiques de luxe, les magasins arméniens qui vendent de l'alcool, etc. Et l'opposition non religieuse, alors? Elle se range derrière le clergé sans se rendre compte que le vrai objectif de Khomeini et des siens, c'est d'installer une république islamique pure et dure. Même les communistes soutiennent le clergé contestataire. Ouais. Eh bien, ses opposants, eux non plus, n'ont pas lu le petit livre de l'ayatollah. Hein. Oui, et c'est l'escalade tout au long de ce premier semestre de 1978. Et le Shah, alors, comment réagit-il? Pour tout dire, je crois qu'il est un peu dépassé. Pourtant, les avertissements ne lui ont pas été comptés. Les services français, mais aussi israéliens, l'ont informé que son pouvoir était menacé. Et il n'en a pas tenu compte? Non. Et la CIA? C'est une question qui est au cœur de l'affaire, parce que vous le savez bien, l'agence américaine a été accusée de n'avoir rien vu venir. Alors, à votre avis? Je vous l'ai dit, il y avait près de 50 000 Américains en Iran, et parmi eux, il y avait forcément des types de la CIA. Oui, mais se trouvaient-ils dans les bons endroits? Pour recueillir de bonnes informations, vous voulez dire? Sur le tas, il y avait forcément des agents qui savaient. Je sais qu'on a dit qu'après les révélations des scandales de la CIA au milieu des années 70, la centrale allait bien mal et était démotivée. Mais enfin, ça n'explique pas tout. Donc, si on va jusqu'au bout de votre raisonnement, ça signifie que les Américains ont laissé faire et qu'ils ont lâché le Shah. Oui, ça me paraît exact. Et j'irai encore plus loin. Peut-être même ont-ils sciemment aidé ceux qui voulaient l'abattre. D'ailleurs, les islamistes. Les Américains n'ont-ils pas agi autrement en Afghanistan, par exemple? Et la suite, on la connaît. C'est Ben Laden et les talibans. Mais avant de revenir sur ce point, voyons la suite des événements. Au mois d'août 78, le Shah essaie de reprendre la main. Comment ? En nommant un nouveau Premier ministre, en annonçant le retour au calendrier musulman et en interdisant les casinos. Mais à mon avis, il est déjà trop tard. Trop de sang a déjà coulé et ce n'est pas fini. Toujours en ce mois d'août, il se produit un événement curieux et dramatique qui va encore envenimer la situation. Quoi ? L'incendie d'un cinéma. Il y a 400 morts. Et ce n'est pas un incendie accidentel. Enfin, qui aurait pu provoquer sciemment une telle tragédie ? Comme toujours, il y a deux hypothèses. Pour l'immense majorité des Iraniens, c'est la Savak qui a fait le coup. Mais dans quel but alors ? Montrer à la bourgeoisie qu'il fallait en finir avec le désordre de la rue et permettre au Shah de reprendre solidement les rênes. Mais si on cherche à qui a profité le crime, on pense plutôt aux islamistes. Car la mort de ces malheureux provoque une indignation générale et accroît encore un peu plus le mécontentement populaire. Ça me paraît quand même énorme, non ? Sans doute. Mais on verra plus tard que Khomeini n'accordait pas une très grande importance à la vie humaine. En tout cas, la suite est catastrophique pour Reza Pahlavi. Après une grande manifestation à Téhéran, où pour la première fois on entend des slogans réclamant son départ, l'armée fait un véritable massacre. Il y a des centaines, peut-être même des milliers de morts. Oui, cette fois-ci, c'est le commencement de la fin. Oui, des grèves, des manifestations ininterrompues paralysent le pays. Et bientôt, le Shah devra partir. Début 79. C'est exact. Un mot, quand même, à propos du séjour que l'ayatollah Khomeini a fait chez nous avant de revenir triomphalement en Iran. Bien volontiers. À vrai dire, c'est un épisode très curieux. À l'automne 78, le Shah demande à son voisin, Saddam Hussein, d'expulser Khomeini qui attise le feu en enregistrant des cassettes incendiaires contre le pouvoir impérial. Des cassettes qui passent la frontière et sont diffusées clandestinement dans tout le pays. Et ce mode de propagande inédit jouera un grand rôle. Khomeini quitte donc l'Irak et atterrit chez nous. Pourquoi le président Giscard d'Estaing a-t-il accepté d'héberger ce personnage encombrant ? Mystère. Mystère aussi le fait qu'il l'ait laissé s'exprimer librement. Alors que d'habitude, on demande aux réfugiés politiques d'être au moins discrets. C'est juste. Mais la France espérait peut-être tirer bénéfice de son hospitalité. Hein. Alors c'était bien mal connaître Khomeini, qui ne nous sera nullement reconnaissant. Bien au contraire, puisque ses sbires fomenteront maints attentats chez nous. Non, je pense que si nous avons accueilli provisoirement l'ayatollah, c'est à la demande des États-Unis. Car les Américains avaient déjà programmé le départ du Shah et souhaitaient que Khomeini soit provisoirement hébergé dans un pays allié. Remarquons simplement qu'en agissant ainsi, le pouvoir a trahi notre traditionnelle amitié avec le Shah d'Iran. Alors maintenant, revenons sur l'attitude de Jimmy Carter. Pourquoi lâcher le Shah ? On a laissé entendre qu'il n'y avait pas que la question des droits de l'homme. Je le confirme. En fait, c'est l'histoire d'une catastrophe annoncée. Malgré ses déboires économiques, le Shah voulait toujours plus d'armes et son ambition en matière nucléaire ne connaissait plus de bornes. Un jour ou l'autre, ça finirait par craquer. Et le souverain avait même menacé de s'adresser à d'autres fournisseurs si les Américains ne lui donnaient pas satisfaction. Quoi, les Soviétiques ? Pourquoi pas ? Et cela, Washington ne pouvait pas l'admettre. D'accord, mais est-ce que ce n'est pas courir un grand risque de se priver d'un allié bien utile, qui était une sorte de rempart contre l'expansion communiste dans la région ? Oui, mais c'était un allié au pied d'argile. Et Carter, alors, lui a donc préféré Khomeini, c'est bien ça ? C'est ça, je le crois, oui. Khomeini qui ne pouvait pas être soupçonné d'être un sympathisant communiste. Et la meilleure preuve de ce que j'avance, c'est l'attitude de l'armée iranienne. Cette armée qui dépendait des Américains. Quand Khomeini s'installe au pouvoir, ça gronde chez les militaires. Mais Washington, au lieu de les encourager à se révolter et à rappeler le Shah, leur envoie un général pour leur recommander surtout de ne pas bouger. Êtes-vous convaincu maintenant ? J'ai trouvé une semi-confirmation de la thèse de M. X dans le livre de Dominique Lorenz, publié aux éditions Les Arènes, Affaires atomiques. L'auteur affirme que la Maison-Blanche avait décidé de confier le renversement du Shah à l'ayatollah Khomeini. Et elle poursuit. Plutôt que de laisser la révolte dans les mains des opposants appartenant à la gauche laïque, où les communistes étaient particulièrement actifs, les Américains avaient donné leur préférence aux mollahs fanatiques. En effet, à cette époque commençait à réapparaître en pleine force une tendance présente à la CIA depuis la fondation de l'organisme et qui consistait à jouer la carte de l'islamisme, voire même de l'islamisme radical, contre le communisme et les courants laïcs potentiellement alliés de l'Union soviétique. C'était la vision des Cold Warriors, les plus à droite de la CIA, qui considéraient que la lutte contre le communisme était prioritaire et qui voyaient en Khomeini un personnage un peu excité, un peu déplaisant, mais un allié potentiel contre la menace venue de Moscou. à samedi prochain et je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, non seulement vous pourrez réécouter cette émission, mais vous obtiendrez des renseignements discographiques et bibliographiques.